Je suis si bien loin de toi. Je suis si bien loin de toi. Vide. Vide. Il se tient là, cloîtré. À nouveau. À nouveau. Frôlant les bris de réalité. Je suis si bien loin de toi. Je me sens désireux. Vide. De sens. Je m'entends vivre. À nouveau. Je suis si bien loin de toi. L'encéphale contrôle. L'échec au loin. M'indiffère. Vide. Je suis si bien loin de toi. Seigneur cloîtré est dans son entre-gémis, volant les bris de réalité, il se tient là, cloîtré. Vide. Vide. Vide. Vide. De sens. De sens. Vide. Seigneur cloîtré est dans son entre-gémis, volant les bris de réalité. Il se tient là, cloîtré. Les lueurs tournoient, blessé de tant de peine. Le Seigneur se fascine des pensées indigestes. Il effleure les épines de réalité qu'il pourrait serrer. Il pourrait vaincre, ébranler les stèles. Il n'en fait rien. Il devrait agir, écouler les frêles. Il n'en met rien. Repu de tant de peine, le Seigneur cloîtré dans ses méandres gelés. À jamais.